déjà vu, comme quoi ça s'y prête. Souvent parce qu'on est côte à côte. Moi je sais que par exemple j'ai un duo d'électronique ou de mixage avec Eric Lacasa. On improvise mais on n'arrête pas de se parler en fait. Alors que quand je fais un duo avec un autre saxophoniste, on ne se parle jamais. Mais c'est pas toi qui produis le son. Oui, mais on pourrait se parler, je dis au sens large, on pourrait se faire des signes, on pourrait se faire plein, mais on le fait jamais. Tu vois, il y a, c'est comme s'il y avait un changement de logique. Il y a un truc qui est bizarre. Dans notre musique, on s'est fait comme. Oui, mais ça peut aller beaucoup plus loin. J'ai deux exemples de groupes. C'est Morphogenesis, un groupe anglais où ils sont cinq. Ils se parlent tout le temps. Il y a plein d'instruments. Ils sont en plus multi-instrumentistes tous. Et ils prennent des décisions en cours de concert. Un peu, et on a l'impression, quand on les voit, de regarder un peu un équipage de bateau, par exemple. Donc, ils se regardent, on y va, allez, on change. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on ne le fait jamais. Voilà. Et ça peut être la sacralité du concert un peu de... Ben non, moi je trouve qu'au contraire, tu es devant une équipe. Et justement, on t'invite pas. Oui, c'est comme... Toute l'équipe s'occupe à faire... On t'invite pas tant que ça parce que tu ne comprends pas trop. Je ne dis pas qu'on entend les mots, hein. C'est pas comme eux là, mais ça me fait penser à ça. On n'entend pas forcément les mots, mais on comprend qu'ils sont en train de communiquer et qu'il n'y a pas ce truc de l'improvisateur complètement dans sa tour d'ivoire. Et on est supposé avoir une sorte de télépathie entre nous. Là, tout d'un coup, il y a une concertation qui fait que les formes, elles peuvent aussi se décider en cours de route. Et ça peut être intéressant comme exercice. Non, c'est justement, je veux pas. Ouais, oui, peut-être que c'est mal exprimé. Non. Ouais, c'est pas du tout une histoire de théâtre, c'est une histoire de. C'est, ça devient fonctionnel. Comme une équipe de sport. Comme une équipe. Et t'as pas l'impression d'assister à une répète? Pas du tout. Au contraire, c'est super tendu. Parce que. Et c'est souvent justement parce que c'est des groupes assez importants qui pourraient pas faire ce qu'ils font sans se concerter. Et du coup, il y a des formes de ces. La musique de ces groupes-là. Quand on l'écoute, on l'entend, elle est très spécifique parce que c'est de l'impro et il se passe des choses qui ne se passent jamais en impro d'habitude. Que tout d'un coup, il y a des virages, il y a des trucs. Et l'autre groupe que j'ai en tête, c'est Machine for Making Sense. Ah, c'est presque théâtralisé pour le coup. C'est qu'il y a des indications, ils ont tous des micros pour la voix. Alors, ils se donnent des indications aussi bien gestuelles tout ça, mais aussi par la voix. Donc du coup, c'est intégré à la musique. Et ça, c'est vachement bien. Ils ont un code, c'est cool. Ils ont des codes, ils ont tout. Alors, ils ont tout essayé. C'est un groupe qui a existé très longtemps. Ils ont fait plein d'expériences. Et en plus, c'est très électroacoustique. C'est instrumental et électroacoustique. Ils ont tous des tables de mixage qui ont accès au son des autres. Donc ça, le son de chacun peut être modifié par l'autre, plus la voix, plus l'instrument de chacun, et ils jouent tous de plusieurs instruments. C'est un groupe que j'adore. Il n'existe plus. Comment il s'appelle ? Machine for Making Sense. C'est des Australiens. Dedans, il y a. For Making Sense. Sense. Machine for. Il y a Jim Denley, par exemple, dedans. Vous ne connaissez pas Stevie Bouchard. C'est des gens qui viennent de la musique trad, c'est marrant. Ouais. Hier, tu as parlé d'un groupe qui s'appelle Sazna. Sazna, ouais, c'est un collectif russe. Et comment tu écris ça? S-A-Z-N-A. Putain, j'ai pas trouvé. C'est sur Léo. C'est vieux, donc c'est pas sur Internet. Un trad de quel type? Je suis désolé. Européenne. C'est quoi Léo? Il dit c'est sur Léo. Sazna, c'est sur Léo. Léo, c'est un label. Léo Records. Qui est tenu par un russe qui vit en Angleterre et donc tous les musiciens russes qui font des trucs bizarres, ils sont sur Léo. Je crois. Machine for quoi? Making Sense. Désolé. Mais c'est marrant parce qu'en danse. Entre l'accent espagnol mélangé avec les français. En danse, si on commence à se dire des trucs, tu t'adresses à quelqu'un pour lui dire ouais, vas-y, on fait ça. bah, la personne va prendre ça pour, comme objet à interpréter, du coup, va rentrer dans le langage plutôt que de faire la chose. C'est vraiment de, en danse, tu parles pas. Tu, si tu parles, c'est sûr que ton langage va basculer dans la fiction. En fait. Ouais, mais vous avez des signes. Ouais, je sais pas, à force de bosser avec des danseurs, je sais que par exemple, quand c'est chorégraphié, et quand il y a des sauts, entre guillemets dangereux, il y a un truc comme ça qui fait que tout le monde est au courant que l'autre il est en train de sauter et ce il a valeur de, pour moi de déjà nous on l'entend dans le public et puis c'est un signal, un vrai signal et ce, ça a lieu ça en musique quand on fait c'est des, une respiration qui est presque un décompte mais en impro c'est interdit vachement. Ça pourrait même être pris mal. T'as si tout d'un coup le sac c'était. Alors il veut qu'on soit avec lui. Mais ça, c'est des, je pense que c'est des choses importantes que chacun peut. Ça ouvre l'impro sur d'autres formes. Je pense qu'il y en a besoin. D'autres façons de fonctionner, d'autres façons de. Surtout que maintenant, avec l'électronique qui commence vraiment à dialoguer beaucoup avec l'instrument, il y a peut-être des choses à penser comme ça de. Je sais pas comment dire, de. D'avoir une vision plus large de l'impro, de ce que c'est que l'improvisation. Même par exemple, pourquoi pas un instrumentiste qui s'assoit à côté de celui qui est à l'ordinateur ou à l'électronique, et du coup, a accès aux gestes aussi. Même pourquoi pas regarder l'écran et de savoir un peu ce qui s'y passe, que l'autre lui explique comment ça marche, tout ça, et pourquoi pas. Comme je disais hier, par exemple, quand on joue avec un batteur, c'est un peu ça, parce qu'un batteur, lui, son écran, on voit tout de suite. Il va changer de baguette, ah bah, il va faire du ballet, ah bah, donc on peut carrément préméditer ce qu'on va faire, parce qu'il ne peut pas se cacher. Permet justement de faire appel très facilement à des trucs préenregistrés, de taper du code. C'est pas comme une, enfin, l'électronique, après tout, quand tu as une pédale d'effet sur une guitare électrique, c'est l'électronique. Quoi. C'est de l'électronique analogique, d'ailleurs, super bien fait. Enfin, c'est bien, super électronique. Ça, c'est l'électronique. Hein. Ouais. La Persephone, c'est vraiment ouais, l'électronique, c'est même tu vois, les racines. Même des choses qui peuvent se perdre malheureusement, mais faire l'électronique analogique. Ouais. Puis après, quand on voit dans l'électronique numérique, en fait, on ne parle plus des. Vraiment, ben, ils sont là, les électrons. Mais... Donc toi, tu dis que tu fais du code. Moi, je fais du live, ouais, du live coding. Du live coding. C'est, ouais, ouais, franchement, j'essaie d'aller vers ce truc. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Ce qui m'intéresse en fait, l'utilisation des ordi pendant longtemps, ça ne m'intéressait pas du tout pour faire de la musique. J'aimais pas les synthés. Et je trouve que là, par contre, l'informatique, enfin, notamment tout le mouvement du logiciel libre, tout ce truc-là, je trouve ça super intéressant. Enfin, vraiment marrant. Bah, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument, et qu'un ordinateur c'est vraiment un instrument et pas un pseudo. Finalement, la plupart du temps, les ordinateurs servent à faire des choses qu'on pourrait faire avec d'autres appareils. Mais comme tu le présentes là, c'est plus le cas du tout. Voilà, c'est que ça devient une matière en fait. Voilà. Une matière ça, plastique. Ça. Mais ça, du coup, à mon avis, mon lien c'est de rentrer dans le code. Sinon, tu te frustrerais parce qu'en fait. Non seulement tu peux le faire avec d'autres trucs, et surtout en fait c'est préconçu, c'est préfabriqué. Tu fais des choses qui sont déjà préparées pour toi. Mais ça tient aussi à processing. Oui, enfin, ça s'appelle machin ou truc, mais je pense que c'est lié au code en fait. Mais ça, c'est super collider aussi qui est vraiment. Oui, mais il y a plein des moteurs de synthèse, mais celui-là il est vraiment très bien fait. Mais je pense que c'est plutôt lié à la façon dont effectivement. Comment on s'adresse à ces machines? C'est une machine d'information, enfin, c'est des logiques textuelles, mais qui peuvent être par moments, qui peuvent se prêter à l'impro. En fait. Moi, je pense que ça marche, il y a plein de gens qui font tous les jours, évidemment, mais je pense qu'on est encore au début de ce. Oui, bah, en musique, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais. Enfin, il y en a, mais on voit surtout des gens qui ont un ordinateur et qui servent vraiment de super sampleur, par exemple, ouais. Ou de, je sais pas, ou de synthé. Oui, je suis d'accord. Alors que vraiment rentrer dans la logique, tout ce que peut faire un ordinateur, y compris de banques de données, comme tu as dit, avec mélanger avec la synthèse, etc. Et puis d'écrire du code. Et d'écrire du code, réagir à ce qui se passe. Ça, je trouve ça. Enfin, moi, le problème, j'adore. Enfin, ça peut apporter aux autres instrumentistes beaucoup de choses de réfléchir comme ça. Je pense que c'est une machine très intéressante, un peu envahissante. Mais le seul moyen pour nous réapproprier en fait, ces machines qui sont faites aussi potentiellement pour nous servir, c'est, je pense, enfin, sans vouloir dresser un tableau. Un peu dystopique, mais ça c'est quand même fait pour ça, enfin, c'est pas aussi, parce que c'est très puissant. Enfin, forcément, la tentation est grande. Mais un des moyens qu'on a pour pouvoir se réapproprier ça, c'est je crois que c'est dur, mais c'est en passant par le code. Mais de toute façon, c'est comme tous les instruments un peu qui ont du potentiel, c'est qu'à un moment, il y a toujours une pente quand même, c'est un peu raide. Quoi. On sait bien. Quoi. Souvent, quoi, je trouve. Bon, ben vous savez ce qu'il reste à faire. tu donnes des cours du soir. Ouais, bah Super Collider. Ouais, c'est chaud. Ouais. C'est. Faut faire que ça pendant. Ouais. Bah oui, puis là, moi pendant j'utilise. Pendant un an ou deux. Ouais, mais. On... Il a envie de faire. Pour jouer du piano, c'est pareil. Ouais. Non, mais ça demande vraiment. Je pense c'est pas un an ou deux, en fait. Je pense que c'est plus de 20 ans. Non, mais déjà, pour arriver à mettre les mains dedans, c'est plutôt 20 ans. Pas le temps de. Je pense que c'est pour être à l'aise. Puis c'est vrai que c'est un truc qui demande vraiment de bien connaître la logique des langages de programmation, même si ça a son propre langage. Tu vois, ouais, mais c'est vrai que c'est assez proche de la musique, c'est comme on dit à solfège, tout ça. C'est juste que c'est des trucs sur lesquels on n'a pas encore vraiment de consensus pour le coup. Mais c'est pas super super bien documenté, tu vois, pour les gens qui veulent apprendre tout seul. C'est pour ça que c'est bien d'être dans des groupes d'utilisateurs. Moi, je te parle même pas de ce que tu fais là, je parle de l'environnement même informatique. Ouais. c'est très bien documenté, mais c'est partout. C'est plein de wikis partout. Oui. Et il y a plein de. Il y a plein de, bien sûr. De communautés où tu poses la question, c'est tout. Enfin, c'est très vite. Et je veux dire, souvent, on le voit justement par rapport à un logiciel, un langage. Mais c'est super. C'est rarement. Proposé comme un. Enfin, c'est rarement vu comme un espèce d'environnement dans lequel tu te déplaces, dans lequel tu choisis. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et tu réinjectes et tu. Et d'ailleurs, tu ne transformes pas juste en automate, mais tu réagis avec des, plein d'autres formes quoi, qui ne sont pas numériques. Pas, ouais. Et ça, c'est un autre problème, c'est que toute l'informatique propose un monde virtuel un peu voilà, parfait, dans lequel on va s'intégrer sans effort. C'est vrai, ça, c'est catastrophique. Mmh. Enfin, que sans comprendre pas du tout ce qui se passe, on va arriver dans ce truc et ça va être super. Ça va être vachement mieux que. Bah, c'est quand même quelque chose qu'on voit. En fait, c'est complètement paradoxal parce que finalement, ce type de langage-là, c'est comme des boîtes blanches dans lesquelles tu peux agir de l'intérieur. Et en fait, on fait l'inverse. On propose aux gens d'agir de l'extérieur, du coup, ils n'ont aucune maîtrise finalement de l'outil, tu vois. C'est très logique. Oui, mais enfin, c'est paradoxal, je veux dire, c'est super tentant, quoi. Hein. Ouais. Comme, il y a pas que... comme beaucoup de choses dans la société. Oui, il n'y a pas que... C'est vrai que ça, c'est aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez... C'est un enjeu. C'est un enjeu, ouais. Peut-être s'arrêter, ça va continuer encore, quoi. Il y a eu ce truc. Mais l'instrument, c'est pareil. Oui. Je le pense vraiment, l'instrument... c'est moins, je sais pas, c'est moins actuel comme problème, mais ça l'est quand même. Moi, l'exemple que j'ai, qui me vient tout de suite en tête, c'est quand je fais des concerts d'orgue. Donc l'orgue, c'est l'orgue hein, pour les gens. Donc, et je fais rien de spécial sur l'orgue, je joue de l'orgue. Et il y a même des organistes qui viennent me voir après et qui me demandent comment j'ai fait ce que j'ai fait. Alors que souvent, j'ai fait qu'appuyer sur les boutons. Que ça fasse les sons qu'un orgue peut faire. Et c'est qu'ils confondent le son de l'instrument et les modes de jeu. Ouais. Et ça, c'est des cages mentales. Quoi. Et on en a tous. Hein. Là, j'en vois parce que j'écoute, mais moi, j'en ai un premier à m'accuser. Et, par exemple, pour les sax, c'est ce que je connais le mieux. Dès que vous faites des mélodies, vous avez un débit spécial. Pourquoi ? On dirait que on a des autoroutes quoi. Dès que je fais ta ti ta ta, il faut que ça fasse ta ti ta ta. Ça peut pas faire ta ti. Vous faites jamais ça. Ouais. Ça fait ta ti ta ta pour qu'on ait le dessin dans la tête quoi. Mais on l'aurait très bien sans ce débit. Et ça, je le dis pour le sax, mais tout le monde pareil. C'est super compliqué. On confond le son et comment on le. Et ce qu'on en fait, quoi. Bah, ça, c'est. Alors là, c'est compliqué. Par exemple, alors à l'inverse, j'avais discuté beaucoup avec des gens qui font de la musique trad. Bah, par exemple, un violoneux. Alors, eux, ils voient ça à l'envers. C'est pour ça que jouer avec un musicien traditionnel, c'est très compliqué souvent, parce qu'ils ne jouent que ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est fantastique aussi. Et par exemple, un violoneux, il apprend les phrasés par les fioritures. Mmh. C'est-à-dire, c'est d'abord les fioritures, et des fioritures, ils déduisent la mélodie, et du coup il y a une logique organique, mais du coup ils peuvent pas jouer autrement. Quand ils sont à fond là-dedans, ils peuvent pas jouer autrement. C'est tout un travail pour eux de sortir de cette logique. Du coup, pour un violoneux, le violon c'est ça, quoi. On est rentré par une porte et puis ça s'est ouvert et tout est... on peut pas toucher un endroit sans que tout s'écroule, quoi. Et là, nous, on réfléchit un peu à l'envers. On essaie de voir comment... les instruments C'est pour ça que souvent je suis un petit peu. Le détournement d'instrument, pour moi, c'est une possibilité, mais c'est pas du tout le. Enfin, c'est un peu une fausse solution quand même. Même s'il y a des génies de ça, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas ça, mais c'est que c'est devenu synonyme de l'impro et je trouve que c'est dommage. Parce que là, on est sûr qu'il n'y aura pas de référence en fait. Mais maintenant, c'en est, hein, c'est bon. Ça fait 30 ans qu'on se les farcit. Ce que tu veux dire, du coup, c'est que probablement, c'est la scène impro, il y a des clichés. Oui, c'est un peu ça, ouais, mais c'est plus. On va dire qu'il y a une tradition d'improvisation. Bah, à force, oui, bien sûr. Bah, là, c'est de ça qu'on parle, en fait. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi on ne se parle pas, pourquoi on ne prend pas de décision, tout ça, c'est une tradition entre improvisateurs que. De pas faire ça. Malgré qu'il y ait des groupes qui l'ont fait. Mais sinon, c'est des groupes un peu à part. Non, mais ça vient d'avant. Ça vient d'avant. Ah, bah ça vient de plein de choses, ouais. Ça vient de. Parfois, on fait la musique. Ouais. Oui. Ça me fait penser, alors, du coup, le fait que même ça existe, que le bouquin existe en soi, c'est intéressant. C'est un bouquin que j'ai acheté un peu par hasard. Je dis même pas encore comment ça vient. C'est esthétique. De l'improvisation libre, ça me dit quelque chose. Je ne sais même plus qui est l'auteur. J'ai acheté comme ça. C'est un pas très grand, un peu comme ça. Il faudrait que je me regarde. Il faudrait que je vois ce qu'il raconte. Ah, au Givrin ? Je sais pas. Peut-être, je crois pas. Non, je suis pas sûre. Ben, je vois, non. C'est un bouquin qui n'est pas très grand. Je ne sais pas ce qu'il raconte. On va voir ce qu'il raconte. Bon. Merci. Bah voilà. Est-ce qu'il y a d'autres...